écoutez toujours le 89.3 FM CISM, la radio de l'Université de Montréal. Je m'appelle André Péloquin et bienvenue à Plectrum, la grande traversée du jeudi, en ma compagnie André, tout de Dré Péloquin. Yeah! Et aujourd'hui, c'est le spécial liquidation des fêtes, car oui, demain, pour ceux qui ne savent pas, de 16h jusqu'à 20h, c'est le top 50 de l'année 2005 de CISM et ça va être excitant. On va tous écouter ça. Les mamelons qui pointent. Mais avant, aujourd'hui, moi, je vais vous présenter des top 5 de moi-même, anglophone et francophone, mais aussi j'ai des invités aujourd'hui. En effet, car j'ai en ma compagnie, en cette deuxième heure, en cette heure où est-ce que je vais vous présenter mon top 5 anglophone, j'ai l'animatrice de l'émission de musique alternative indépendante canadienne par excellence à CISM. Alors, mesdames et messieurs, joignez vos mains avec moi pour accueillir Madame Parallèle 49 elle-même, la notorieuse TIF de CISM, le Wongster. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Tiffany Wong. Alors, bonjour Tiffany, ça va? Ça va. Tu es toute en beauté aujourd'hui? Merci. Toi aussi, André. Comme toujours, yo. C'est pas vrai. Menteuse, tu pues. Tiffany, avant de débuter ton top 5 anglophone de 2005, pourrais-tu nous faire un bilan de la scène locale anglophone, s'il te plaît? Évidemment, ça a été quand même une bonne année pour Montréal. Il y a eu les fameux articles de magazine Spin du journal New York Times et même un reportage de la BBC qui s'est penché sur la scène locale montréalaise et qui a créé une véritable frénésie autour de certains groupes. Mais personnellement, je demeure sur ma faim. Ce buzz autour de Montréal semble plus être un coup publicitaire profitant qu'à quelques personnes d'ici sûrement, sans oublier que la scène francophone a complètement été ignorée de ces reportages. Ouais! Mais bon, la plupart des groupes d'ici, autant francophones qu'anglophones, vont continuer à se produire en concert et à sortir des demos EP et albums. Buzz autour de Montréal ou non? Oh que oui! Et merci de ce résumé en passant, Tiffany. Maintenant, peux-tu nous introduire aux positions 5 et 4 de ton palmarès anglophone? En cinquième position, je vais jouer une pièce de l'album Fear the Love de la formation SS Cardiacs qui s'appelle Tell Me Again. Les fans de Pavement et d'excellent indie rock devraient apprécier ce groupe. Puis en quatrième, une pièce de l'album Has a Good Home de Final Fantasy, le fameux projet solo d'Owen Pallett, le talentueux violoniste d'Arcade Fire. On va entendre The CN Tower Belongs to the Dead. En passant, si vous voulez entendre la totalité de mon top 10, écoutez mon émission Parallèle 49 les vendredis 23 et 30 décembre prochains entre 14h30 et 16h. En plus, André viendra y présenter son palmarès francophone. C'est donc tout un rendez-vous. Là-dessus, on débute avec Fear the Love de SS Cardiacs sur les ondes du 89.3 FM CISM. Sorel est dans la place! Mais c'est ça que je représente! All I see are crossword puzzles, so all there is crossword puzzles, and I've ripped them all to shreds. The word's not in my head. Got a Peter Pan delusion, we will never grow at all. 'Cause I can be with you without the follow through. We're all stuck, we're all stuck, and your tongue's tied together. Together we're restless and new. Thank you. together and reckless and amused. Well, together we're restless and new. Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM CISM, je m'appelle André Péloquin et c'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se continue, je vous rappelle, spéciale liquidation des fêtes. On en est à notre deuxième heure et on est en train d'écouter le top 5 de l'animatrice de Parallèle 49, Tiffany Wong. On avait donc en quatrième position Final Fantasy, c'était la pièce de CN Tower Belongs to the Dead, c'est tiré de son album As a Good Home. Je vous le rappelle, c'est Final Fantasy. Final Fantasy, c'est le projet du violoniste de Arcade Fire, Owen Palette. Alors, tout ce qu'on peut dire sur Tiffany Wong, c'est qu'elle a du goût, puis qu'elle aime les petits garçons cuties. En cinquième position, on avait les SS Cardiacs. Ah, tu le sais que t'es aimes cuties, tes garçons. En cinquième position, on avait les SS Cardiacs avec Fear the Love. C'est tiré de leur album Tell Me Again, avant de passer aux positions 3 et 2. Dis donc, Tiffany, as-tu vu de bons concerts en 2005? Bien sûr! J'ai tellement assisté à des concerts cette année que c'est difficile d'en faire une liste, mais il y a tout d'abord la très sensace performance des Lesbians on Ecstasy au Gala des Mimis 2005, mais mon préféré demeure le concert de Wolfred donné dans un parc cet été. Super! Et maintenant, peux-tu nous présenter les positions 3 et 2 de ton palmarès? Oui, en troisième position, The Vermicious Knid avec Glowing Boys, tiré de leur album Small Town Devotion, Hometown Compulsion. Cette formation indie rock de Brantford en banlieue d'Ontario m'a vraiment surprise avec cet album indie rock, qui est aussi leur dernier vu que le groupe s'est séparé après une courte tournée. Dommage! Oui, j'ai choisi un numéro 2. Une autre pièce énergique d'un groupe de Montréal tiré de leur super album Non-Stop, Je te plais en deux. On va écouter la pièce Trouble, T-R-O-U-B-L-E, de We Are Wolves, qui sont aussi excitants ce disque en entrevue. Es-tu d'accord, André, le snob du rock? La seule chose que je suis d'accord, c'est que les Redmen de McGill y ont passé une fantastique saison cette année. Mm-hmm. Oh! On débute dès maintenant avec Vernicious Knid sur la mare. C'est ça que j'ai dit! Vernicious... Je suis sûr que t'as fait exprès de prendre des groupes avec des noms pas prononçables. C'est ça, rabaisse-moi devant mes millions d'auditeurs. Maîtrise! Oui, je fais une maîtrise! Puis je suis pas capable de prononcer Vernicious Knid! T'es contente, là? On va écouter de Vernicious Knid sur la marge 89.3 FM, c'est ISM. All tied with street names, I can't break out. When the world closes in like a finished book, I'll still be circling with laughter at the city. Till the summer I'm heading for New York, become thin air. I won't haunt the past like the other ghosts, but you call timeless, I call it. We'll be right back. Hammer Time! Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM, CISM. Je m'appelle André Péloquin. C'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit, je vous rappelle, spéciale liquidation des fêtes. On est en train de vous présenter les pièces préférées cette année de l'animatrice de Parallèle 49, votre émission spécialisée dans la musique canadienne alternative indépendante, c'est-à-dire Tiffany Wong. On vient d'entendre en position numéro 2 les We Are Wolves avec la pièce Trouble, c'est tiré de leur album Non-Stop, Je te plie en deux. Et un peu avant, on avait les Vernicious Knid avec Glowing Boys. C'est tiré de leur album Small Town Devotion, Hometown Compulsion. Et là, je vous sens assis, les ongles dans vos cuisses, le gros stress, la sueur qui perle dans votre front. André, c'est quoi la position numéro 1 anglophone canadienne cette année? Dis-moi, oui! Eh bien, je vais le laisser Tiffany Wong vous dire dans quelques instants. Mais avant, dis donc, Tiffany, maintenant que 2005 est plutôt loin en arrière de nous, à quoi doit-on s'attendre pour l'année 2006? En 2006, on va tout d'abord voir si cette frénésie autour des groupes musicaux de Montréal va se poursuivre ou s'éteindre un peu comme Seattle il y a quelques années. Quoique, au fond, on s'en fout car il va toujours se faire de la bonne musique indépendante, autant ici que dans le reste du Canada, autant en français qu'en anglais, autant à Sorel qu'à Mississauga. Je dirais même plus, surtout à Sorel. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bon, les Ontariens, ces temps-ci? Pas grand-chose! Oh, j'allais manger une gifle! Diversion! Et maintenant, Tiffany, peux-tu nous présenter ton numéro 1, s'il te plaît? Quelques indices. C'est un groupe anglophone canadien qui vient de Montréal. Ils ont sorti un premier EP en 2005, puis ils ont enchaîné avec un album qui est paru il y a quelques semaines. Oui, je parle bel et bien de Kiss Me Deadly, tiré de leur mini-album Emerald Cosmic. On va entendre la merveilleuse pièce Rue. Là-dessus, c'est tout pour moi aujourd'hui, mais n'oubliez pas de s'intoniser Parallèle 49 les vendredis 23 et 30 décembre prochain entre 14h30 et 16h, car ça sera à mon tour de vous présenter mon top 10 en entier. En plus, André viendra y présenter son palmarès francophone, c'est donc tout un rendez-vous. Si vous ne pouvez pas l'écouter en direct, pas de problème, consultez mon site web parallèle49.blogspot.com et abonnez-vous au podcast de l'émission. C'était donc mon top 5 anglophone canadien. Je m'appelle Tiffany Wong et je vous souhaite un bon week-end. Ben merci beaucoup, Tiffany. De rien. Parle bien français, hein? Oh, Toujours la marge, le 89.3 FM, CISM. Je m'appelle André Pellequin, c'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se déroule dans tes oreilles et ça groove. Ouais. Ah, tu sens le rythme. On vient de terminer le palmarès, le top 5 anglophone pan-canadien de Tiffany Wong. D'ailleurs, si vous voulez écouter son émission, c'est les vendredis de 14h30 à 16h et c'est excellent. Il paraît que le gars qui fait ses traductions d'entrevues en anglais, en français, là, il anime l'émission Plectrum. C'est ça la rumeur. Alors, c'était sa pièce, sa top pièce, son album préféré de l'année 2005. C'était bien sûr les parutions de Kiss Me Deadly qui ont sorti un album ainsi qu'un EP pendant 2005. On a entendu une pièce tirée de Amoureux Cosmique. C'était la pièce Groove. Et c'était excellent. On va maintenant poursuivre avec mon top 5 anglophone personnel à moi. On va débuter avec les positions 5 et 4. En cinquième position, un groupe torontois. Ceux qui se rappellent des Unicorns et qui vont beaucoup aimer leur nouvelle mouture Islands en 2006 devraient apprécier ce groupe. Je parle bien sûr de Spitfire et Mayflowers. On va entendre la pièce Pirate de leur album Triumph. C'est excellent. Ensuite, on va y aller avec un petit groupe de chenoux, là. C'est les Hot Springs, bien sûr, qui ont fait beaucoup de bruit aussi en 2005 sur la scène locale avec leur EP Rock Partouze. On va entendre leur hit, finalement. Je crois que c'est le simple tiré de ce EP. Je parle bien sûr de la pièce Bacteria. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez m'appeler 343-CISM, 343-2476. Il y a aussi le courriel à plectrum-cism@hotmail.com. Ou si vous voulez avoir plus de détails sur les top 5 de mes intervenants d'aujourd'hui, c'est-à-dire Ariane Gruepelcha et Tiffany Wong, allez sur mon site web, c'est le plectrum-cism.blogspot.com. On débute dès maintenant avec Pirate des Spitfire et Mayflowers sur la marge. En attendant, on groove! Ouais! Yeah. Bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs. Vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM, CISM. Je m'appelle André Pellequin, c'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit. Je vous le rappelle, spécial liquidation des fêtes! Oui, on a eu en cette deuxième heure, cette heure anglophone, en premier lieu, le top 5 de Tiffany Wong, animatrice de Parallèle 49, les vendredis, ici à CISM. Et maintenant, on est en train de faire le mien, mon top 5. On va passer aux positions 3 et 2. En troisième position, c'est un bonbon, un péché mignon à moi. C'est les Caesars pour ce groupe suédois, je crois, si je me rappelle bien. Dans ce coin-là, là, eh bien, on se rappellera d'eux pour avoir fait la pièce Jerk It Out qui a beaucoup joué lors des pubs de iTunes plus tôt cette année. Mais c'est vraiment une pièce canon de l'album. Mais tout l'album, c'est rempli de petits bonbons là, de pop rock là, qu'on écoute en se sentant coupable puis en se touchant. On va entendre la pièce Soul Chasers. Et en deuxième position, quelque chose d'un petit peu plus près de chez nous. Je parle bien sûr de Wolf Parade, groupe qui n'a même plus besoin d'introduction ici à CISM. On va tout simplement entendre la pièce I'll Believe in Anything, You'll Believe in Anything de leur excellent album Apologies to the Queen Mary et apprécier. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, 343-CISM, 343-2476. À plus. Yeah. can take the fire out from the wire. I'd share life and you'd share life. I can take the fire out from the wire. I'd take you in the ça, bébé. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous écoutez toujours La Marge. Le 89.3 FM CSM. Tiens donc, un imbécile au micro qui dit des niaiseries. Ça doit être l'heure de Plectrum, la grande traversée du jeudi, en ma compagnie, André Péloquin. Aujourd'hui, pour ceux qui se joignent à nous, bonjour, bienvenue, guettetant, enlevez vos souliers. On a aujourd'hui un spécial liquidation des fêtes, car pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, je vous le dis, demain, de 16h à 20h, ici même, au 89.3 FM, CSM, La Marge, la référence alternative à Montréal, patati patata, eh bien, ça va être le top 50 francophone et le top 50 anglophone de l'année, ici, 2005. Alors, que des tubes, que de la bonne musique. C'est bien sûr un spécial épique animé par notre MC d'excellence. Ici, je parle bien sûr de Dart Roussy. Il va y avoir aussi une flopée d'animateurs qui devraient faire des apparitions. On a aussi Busta Rhymes, Jay-Z et Nelly qui vont venir faire de la cappella. Oui, c'est comme spécial artifice, fille en bikini, pluie de diamants. On organise ça en grand ici à CSM. Non, mais sérieusement, c'est ça. Et histoire de se réchauffer de ce top 50, car tout un marathon, autant pour Martin aussi et son équipe d'animateurs, que pour vous, auditeurs, qui vont avoir les oreilles en chou-fleur à la fin, eh bien, aujourd'hui, je vous ai préparé un spécial liquidation des fêtes des top 5 anglophones et francophones. Et pour ça, je me suis doté d'animatrices hors pair et un petit peu facile à l'œil quand même. Alors, en première heure, on avait directement des journaux Bang Bang et La Goupille, anciennement aussi de l'émission La Gramophone émergent ici à CIFM. Ariane Gruet-Pelcha, je vais vous rappeler son top 5 à elle. C'était, je lui ai demandé de préparer un top 5 francophone local. Alors, ça donnait en 5e position Danny Placard, en 4e position Philippe B, en 3e position, elle avait choisi l'album Deluxe de Attache Tatuc, en 2e, un groupe qui a fait beaucoup de bruit, en 3e période cette année. Oh, je viens de faire un jeu de mots avec le hockey, je dois parler des Delaware Chuck. Eh bien, oui! Et en première position, un choix très personnel d'Ariane, c'était René Lucier, avec son album Ça paraît pas, mais ça paraît. Moi, j'avais aussi fait, vu que c'est mon émission et que je suis l'Imperius Rex, l'empereur de Plectrum, mettez-vous à genoux devant moi et plein d'autres niaiseries de ce genre. Eh bien, je m'étais fait un top 5 francophone, moi aussi. En cinquième, j'avais mis Omnicrom, qui, mon Dieu, on fait beaucoup parler d'eux avec un petit EP qui s'appelle Futur Millionnaire. Ils nous ont fait pénétrer dans leur monde hip-hop avec des pouliches magiques, des palettes drettes et... que des grandes choses qui s'en viennent pour Omnicrom. Ils vont sortir un deuxième EP, je crois, début 2006, et j'ai entendu une pièce. Ça va être de la bombe, mes amis, de la bombe. On a des... Si vous aimez TTC, vous allez adorer Omnicrom. On avait aussi en quatrième position un groupe qui nous en a fait baver cet été. Je parle bien sûr de Natacha avec Esclavo del Rock'n'Roll. Natacha qui, en l'espace de quelques mois, a sorti ce EP. Ils se sont retrouvés, un des rares groupes francophones à se retrouver sur scène lors de Pop Montréal. Ils ont aussi ouvert avec une performance solide pour André dernièrement au Théâtre Plaza. Qu'est-ce qui s'en vient en 2006? On ne sait pas, mais s'ils continuent sur leur lancée, ils devraient prendre le contrôle de l'avenue du parc au Monopoly et construire un hôtel. et payer le plein prix quand vous allez passer dessus. On avait, en troisième position, La Descente du Coude. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup... C'est-tu moi où il n'y a pas eu beaucoup de punk québécois cette année? Hein? Vulgaire machin, il est temps que vous sortez un album, bordel de merde. Parce que punk rock engagé, en ce moment, je pense seulement à La Descente du Coude. Et en deuxième position, on avait Gatineau, un autre groupe hip-hop à surveiller. Seba, ça fait des années qu'on entend parler, il participe. Il a participé à Beat As Politics de Ghislain Poirier, son nouvel album Break Up Down. Il participe aussi à des performances sur scène avec les locaux locasses. Sa couleur préférée, c'est le bleu. Je crois qu'il aime les rigatoni à la sauce panini. Oui, mais avec Gatineau, ils reviennent gonflés à bloc. Ils donnent d'excellents concerts. Et d'ailleurs, pour ceux qui ça leur tente, qui sont curieux, eh bien La Descente du Coude et Gatineau seront en concert demain au Divan Orange. Je vous parle une nouvelle fois de cette boom. C'est le party des fêtes de l'étiquette Dare to Care, et c'est aussi les funérailles vikings. C'est le concert d'adieu du Fallout Project, groupe hardcore punk qui va vous défoncer les tympans. Vous allez juste entendre du après, et c'est désagréable. Et en première position, c'est sorti en 2004, je sais, mais come on, il restait quelques semaines. Et je parle bien sûr de Manajub. J'ai fait jouer ma pièce préférée de leur album, Le Compte Complet, c'était la pièce La Valérie. Le nouvel album s'en vient le 7 février. Ils sont en train de mixer les pièces et il paraît que, je cite ici, ça torche. Ensuite, en deuxième heure, on a reçu Tiffany Wong qui anime ici une émission qui s'appelle Parallèle 49. C'est une émission de musique pan-canadienne alternative. Elle collabore aussi à CQT, mais on n'en parlera pas. Eh bien, elle nous a fait un top 5 anglophone canadien. En cinquième position, on avait SS Cardiacs avec leur album Tell Me Again. En quatrième position, le violoniste de Arcade Fire avec son projet Final Fantasy. En troisième position, Vernicious Knid avec Small Town Devotion, leur album. En deuxième position, de Montréal, yo! We Are Wolves avec Nonstop, je te plie en deux. Et leur son... son azimut, son cime de ce qu'elle a écouté en 2005, c'était un autre groupe de Montréal, c'était Kiss Me Deadly, qui ont sorti un EP et un album cette année. On a écouté un extrait du EP Amoureux Cosmique qui s'appelait Groove. Et on l'a en ce moment précis. On est en train de faire mon top 5 anglophone à moi en 5e. J'avais de Toronto, Spitfire et Mayflowers. Si vous aimez les Unicorns, je vous les recommande. Les Hot Springs qui sont démarqués à Montréal cette année avec à l'aide de leur EP Rock Partout, et ont fait plusieurs concerts. Je crois qu'ils reviennent de quelques performances aux États-Unis, New York, yeah! En troisième position, du rock pop bonbon des Caesars avec leur album Paper Tigers. En deuxième position, directement de Montréal, c'était Wolf Parade. Ils sont maintenant signés sur Sub Pop, ça va très bien leur affaire. Ils sont toujours barbus, tout va bien. C'est leur album Apologies to the Queen Mary. Et maintenant, première position, c'est un choix très personnel. Là, je crois que je vais me faire lancer les briques en sortant. Ah, t'as pris un gars là, qui est sur une étiquette major, là, c'est fou là. Et oui, je vais vous faire jouer du Box 65. Je m'en fous, moi, qu'il soit signé sur une étiquette major. Secret House Against the World, c'est un excellent album. La richesse des textes est incroyable. Je vais vous faire jouer une de mes pièces fétiches. C'est Blood of the Young Wolf. Écoutez le texte, c'est wow. C'est vraiment wow. Et parlant de wow, il y a Candide Proulx qui s'en vient avec son palmarès du jeudi. Alors, sortez vos papiers, vos crayons. Faut noter ce qu'elle joue parce que c'est bon. C'est bien, bien bon. Comme dirait Box 65, pour ceux qui écoutent CISM souvent, pas mal. Pas mal du tout. Alors, sur ce, moi, c'était ma dernière intervention. Elle était plutôt longue, hein? Je me suis forcé. Et je m'appelle André Péloquin. Je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, plectrumcism.blogspot.com. Le numéro de téléphone, c'est le 343-CISM-343-2476. Si vous aimez le podcasting, allez sur la mienne, c'est le podmodernisme.blogspot.com. Bonne semaine, tout le monde, et on se réentend demain, si vous me permettez le terme, lors du top 50. Salut! Je groove! Thank you. island, endless summer. Oh my god, I'm hot steel, beside myself in friendless number. I ain't got no culture, nothing, dirty words, but that don't count. Flight attendants, waitresses, superstition, good amount. There's work to do, hell to pay, memories and fingerprints, calling Papa ignorance. And I don't wanna go. Persuasion tech, it's an egg and spoon race, slow and steady. Desert highway, a biento. Still I'm stuck, I can't afford it. Picture, postcard, small memento. Echo, shadow, sterling silver, burning furnace. Frozen nowhere, just a kid, I had a friend named Deadly Ernest. Cross my heart and hope to die, stick a needle in my arm. Praise the heavens, call the cops, relax, there's no cause for alarm. Diamond rings and little babies, startlements and miracles. I remember pretty faces, so severe and lyrical. I'm talking Amelia Earhart, Nico Case, Frida Kahlo. All alone the way it should be, I don't even need a shadow. Seeds of wisdom, found no purchase, we don't even have a chance. Birthday party, Armageddon, long stem roses, avalanche. Broken fingers going nowhere fast and screeching to a halt. All that work for nothing, oh whipping boy, it's all my fault. Zoom, persuasion tech, zoom. Persuasion tech, zoom, persuasion tech, tech. Afraid to fly and so I'm running, catching fish and chopping wood. The revolution, slow time coming, I don't know what else to do. Cross my fingers, teach the children, read your fortune, storm the studios. Come on all ye faithful pilgrims, no more same old song and dance. Some good ideas get overplayed. I eat my breakfast, ride my bike, a knife between my shoulder blades. See, I'm a man of many problems, up against some scary odds. We kill, we hide, we all fall down, idiots love to bury gods. It doesn't happen overnight, though never still, I'm filled with wonder. Lonely like a tightrope walker, hitchhiker, long distance runner. Zoom, kick, persuasion, tech, good night for you, bad night for me. But I still love you lying down, K-I-S-S-I-N-G, not bad, not bad. I tried your shoes on, cigarettes and crucifixes. Ingmar Bergman, Alphonse Mouzon. Really boring modern music, really boring modern girl. Get me out of here, I'm drowning, I don't like this modern world. Anti-intellect and marketing, pretty, pretty, who needs talent? Crying eyes, we're so outnumbered, fight for the right to remain silent. What do I know? Bonjour, je m'appelle Ninja from the Go Team. Je m'appelle Ian. You're listening to CISM 89.3 FM. Jeudi, c'est la soirée étudiante. Entrée gratuite avec carte étudiante et spéciaux sur bière et shooter toute la soirée. Balouze, le meilleur bar de rock alternatif à Montréal. Ouvert de 14h à 3h du matin, 7 jours sur 7. Le Balouze, c'est votre bar étudiant depuis 10 ans. Venez nous voir au Balouze, 403 Ontario Est, coin Saint-Denis. www.barbalouze.com. Le bar Balouze, on s'appelle pas débit de boisson pour rien. La direction et le personnel du bar Le Syndrome voudraient souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tous ses clients et futurs clients. Et n'oubliez pas d'utiliser autobus, métro, taxi, chauffeur désigné, nez rouge ou notre service de raccompagnement .08 à l'année. Fêtons en toute sécurité. Le Syndrome vous aime et vous dit merci. À bientôt! Bar Le Syndrome, 5777 Saint-Laurent, au